Bon, tout le monde va bien ? Ouais, super. Et toi, Thibaut, t'as passé une bonne semaine ? Ouais, je me suis un petit peu ennuyé. Oh merde, du coup, t'as fait quoi ? T'as regardé la Téloche ? Bah, du coup, j'ai maté la Téloche, oui, effectivement. Cette semaine, j'ai regardé Top Chef. C'était le... Oula, il y a quelqu'un qui tombe. Cette semaine, j'ai regardé Top Chef. C'était lundi soir, mardi matin. Oui, cette émission est très très longue. Elle est tellement longue que j'ai cru que les cuissons étaient en direct. Alors, ils n'ont pas cartonné niveau audience. Hein. Bon, c'était pas non plus un four. Waouh. Wow. Bon, enfin, les émissions de cuisine, les gens en ont soupé. Mais il est bon. Voilà. Ouf. Alors, niveau jeu de mots, hein, je suis pas encore comme Jean-Paul. Hein. Ah, en fait, tout le monde connaît Top Chef ? Oui. Oui. Public télé 7 jours. En gros, dans Top Chef, ils ont une heure pour faire une recette. Et pendant une heure, les mecs sont en panique. Hein. Il y en a un qui va au garde-manger, l'autre va chercher une casserole, un autre se coupe un bras. Et il le mange après, non ? Il le mange après. Et puis alors, tu sais pas où ils veulent en venir après, les mecs avec leur recette. Il y a un bordel dans cette cuisine. T'as trois énormes casseroles sur le feu, tu pourrais nourrir 10 millions de personnes. Et c'est du gaspillage. Hein. À la fin, ils se retrouvent avec une petite... Un filet de maquereau, une mayonnaise et trois cubes de betterave. De quoi ? De betterave. C'est les raves qui sont bêtes. Et le pseudo cuistot te fait putain, une heure pour faire un plat, c'est chaud. Hein. Une heure pour un plat, c'est chaud. T'imagines que ce mec a un restaurant le soir où il a 120 couverts. Chaque personne va attendre une heure ses plats. T'arrives à 20h, tu repars, il est 6h du matin. T'sais. Si t'as commandé une carafe d'eau, comment ça se passe ? Excusez-moi, oui, j'ai commandé une carafe d'eau à 21h, il est minuit et demi. Comment qu'on fait ? Et encore. Pire, après il rajoute putain, j'ai cru que j'allais jamais le finir. Oh, t'inquiète pas, nous par contre on va bien le finir. Hein. Ah bah deux bouchées, tu te bouffes les ongles. Hein. Et dans ces émissions, il y a un jury qui a toujours des challenges à la con du style je veux que vous revisitiez la frite. La frite du nord ou la frite du sud ? Oh purée. Ah oui. Ensuite, le plat passe devant le fameux jury hein, qui te fait bon bah visuellement c'est beau, c'est une frite. Ah bah oui, du con, il n'y a pas 100 000 façons de revoir la frite. Hein. Par contre, c'est pas assaisonné, c'est dégueulasse. Et toi, t'es obligé de les croire, ces gens-là. Hein. Parce que comme toutes les émissions de cuisine, ils font de la bouffe que tu pourras jamais goûter. T'imagines la famille qui crève de faim et qui regarde cette émission ? Ah bah eux, assaisonné ou pas, ils le bouffent, le truc. Hein. Même qu'ils le vomissent pour le remanger. Bah histoire d'être calé une heure ou deux, tu vois. Ouais.